quand elles tournent autour de moi. Qu'est-ce qu'elles me veulent? Qu'est-ce qu'elles me veulent? Est-ce que ces vipères vont m'inoculer le poison? Qu'est-ce qu'elles me veulent? Qu'est-ce qu'elles me veulent? Elles défient mes faiblesses, le peu d'instinct qu'il me reste. Laissez-moi seul, laissez-moi seul. Sans elle, tous mes idéaux volent bien plus haut, volent bien plus haut. Sans elle, je sauve ma peau, respire à nouveau, respire à nouveau. Sans elle. Montent-elles calmer leur appétit, qu'est-ce qu'elles me veulent? Qu'est-ce qu'elles me veulent? Ces femelles mettent à mal les lois du règne animal. Qu'est-ce qu'elles me veulent? Qu'est-ce qu'elles me veulent? Leur amour est un leurre, une ruse de prédateur. Laissez-moi seul, laissez-moi seul. Sans